Bonsoir, merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute et voici tout de suite les titres de cette édition. Les députés s'inquiètent des fonds donnés aux coopératives culinaires mais atterrissent dans les poches de certains membres qui se les partagent. Vous aurez plus de détails dans cette édition. C'est la saison culturelle et le manque de la Dolomie inquiète certains agriculteurs de la province Ngodi qui craignent déjà que ça aura des conséquences sur la récolte. À Karoussi, nous allons parler de la reprise des travaux de construction des locaux prévus pour une école d'excellence. Ces travaux, qui s'étaient suspendus plusieurs fois, avaient commencé il y a plus de 10 ans. La cause, vous la saurez dans cette édition, mise en onde par Eric Wimana. La présentation, vous êtes avec Doré Bingabile. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Les fonds alloués aux coopératives culinaires ont été mal gérés. Certains se sont partagés ces fonds destinés au développement communautaire. Les députés ont émis cette préoccupation ce vendredi lors des questions orales à l'Assemblée. Le ministre en charge de l'Intérieur, qui était l'invité, ne nie pas ces faits. Martin Itelete a néanmoins souligné qu'il y en a qui sont en train de procéder au remboursement. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Les fonds alloués aux coopératives culinaires ont été mal gérés, disent les députés, après avoir fait une tournée à l'intérieur du pays et disent que certains s'en sont partagés. Le député Anatole Carorero explique qu'il est facile que 3 responsables de la coopérative se partagent cet argent. Ma deuxième question concerne les fonds d'appui aux communes à hauteur de 570 millions de francs bouts, à partir desquels il y a un financement alloué aux coopératives culinaires. Mais le constat est amer, cet argent alloué à ces coopératives a été mal géré. Certains des membres de ces coopératives pensent que ces fonds, c'est un don. À l'heure que nous sommes, les gens utilisent cet argent comme ils veulent. Les 3 responsables de chaque colline partagent facilement ce financement. L'on a constaté que tout se passe sans suivi, même Anacop n'est pas à la hauteur de faire le contrôle. Sans suivi. Le ministre Martin Itelete, qui était l'invité de la Chambre basse du Parlement ce vendredi, ne nie pas ces allégations des députés, mais il indique qu'il y a ceux qui sont en train de rembourser ces fonds, même s'ils ne donnent pas des chiffres. Je sais que certaines coopératives se sont bien organisées et ont déjà commencé à rembourser cet argent à la Banque centrale. Je n'ai pas de chiffres. La plupart ont eu des bénéfices. C'est vrai, il y a ceux qui ont enregistré des pertes. On est en train de voir pourquoi ils ont travaillé à perte pour que les responsables soient punis car ces financements ne sont pas des dons mais des crédits. Et à la question de savoir pourquoi il y a des jeunes et femmes qui n'accèdent pas aux crédits dans les banques des jeunes et des femmes, le ministre Niteretse répond qu'il arrive que ces demandeurs ne remplissent pas des conditions exigées. Évariste Ndikobanyanga, page agriculture. La population des différentes zones de la province Ngodi se plaignent du manque de la Dolomie. Certains agriculteurs disent que ça fait plusieurs jours qu'ils se rendent au chef-lieu des zones pour s'en procurer, mais rentrent bredouille. Ils craignent d'avoir une maigre récolte si ce fertilisant ne leur parvient pas rapidement. Le chargé de l'acheminement de la Dolomie vers ces zones évoque le manque de mazout pour y aller. Il affirme avoir informé les autorités administratives et celles en charge de l'agriculture au niveau provincial. Apollinaire Muzagara. Parmi les habitants qui grognent figurent ceux de la zone Moussegni, en commune Tangara de la province Ngodzi. Sur environ 83 tonnes de dolomie destinées à cette zone, seulement 30 tonnes leur sont arrivées, déplore Aladin, le chargé de la distribution de ce fertilisant dans cette zone Moussegni. Selon lui, la population se rend tous les jours aux entrepôts avec des reçus en envie de s'approvisionner, mais rentre main vide, d'où la multiplication des lamentations, même son de cloche dans les 31 autres centres de distribution de cette province. Le chargé d'acheminement de la dolomie dans ces centres dit éprouver le problème de manque de mazout de véhicules destinés à embarquer toutes les quantités destinées à cette province. David dit en avoir informé les responsables administratifs et ceux en charge de l'agriculture, mais rien n'a été fait. Il déplore même qu'il n'a pas été servi alors que la distribution du mazout a été faite ce vendredi en Ngozi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et à Bubanza, certains cultivateurs du coton à Gihanga qui ont vendu à crédit leur récolte à la Cogerco depuis le mois d'août dernier. Se lamentent du retard de paiement alors qu'ils espéraient pouvoir utiliser l'argent pour acheter l'engrais chimique. Les semences pour cette saison culturelle A, ils disent que les premiers vendeurs ont été payés en cash, mais les tours qui ont suivi restent impayés. Certains qui se rendent souvent au lieu de vente indiquent que les agronomes de la Cogerco et les responsables des coopératives leur demandent de patienter et que bientôt ils seront rétablis dans leurs droits. Spes Caritas Cabagnana. Ces cultivateurs de coton disent que leur espoir n'a duré qu'un instant lorsqu'ils ont vu que les premiers vendeurs de coton en province de Cibitoke et à Gihanga étaient directement payés, mais ils déplorent le fait que ce paiement s'est directement arrêté avant la fin de la campagne d'achat. Des conteneurs de la Cogerco ont continué à transporter le coton vers Bujumbura au siège de l'usine et les vendeurs ont attendu leur argent jusqu'aujourd'hui, comme ils le disent, et ils font savoir qu'ils ont besoin de leur argent pour subvenir à d'autres besoins comme l'achat de l'engrais chimique, l'achat des semences, des ouvriers pour le semis dans cette saison culturelle et autres. Certains de ces cultivateurs font savoir qu'ils se rendent souvent dans les lieux de vente pour demander et la réponse reçue de la part des agronomes de la Cogerco et des représentants des coopératives est de patienter, une réponse qui ne les tranquillise pas comme ils le disent. Ce coton a été acheté depuis le mois d'août cette année dans les communes de la province de Cibitoke, puis dans la plaine de Gihanga. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, certains habitants du chef-lieu de la province Karoussi apprécient positivement la reprise des travaux de construction des locaux prévus pour une école d'excellence de Karoussi. Ces travaux avaient débuté depuis une dizaine d'années, mais ont été maintes fois suspendus, déplore-t-il. Ainsi, les responsables de la commune Muhiga, en collaboration avec l'autorité provinciale et les représentants des cadres natifs, ont indiqué récemment qu'ils ont décidé que cette commune va parachever ce projet inscrit parmi ceux prioritaires de la province. Calmier, Blaise Pascal pour plus de détails. C'est au début de ce mois d'octobre en cours que les travaux de construction de deux blocs en étage qui étaient prévus pour une école d'excellence de la province Karoussi ont repris après une dizaine d'années que ce projet provincial avait été commencé et par après suspendu. Comme l'indiquent les autorités communales de Muhiga, la décision de parachever ces constructions a été prise en collaboration avec les responsables de la province et les représentants des cadres natifs de la province de Karoussi, d'autant plus que ce projet de construction d'une école d'excellence au chef-lieu de la province avait été pensé et débuté au niveau provincial en 2013. Ce projet d'intercommunalité de Karoussi avait été suspendu avec la crise politique de 2015 dans le pays, comme l'indiquent certains, et par après, les travaux ont été repris en 2018, mais à cette période, les communes de la province ont contribué jusqu'aux travaux de construction de deux dalles seulement. C'est après cette étape que la commune Muhiga a repris les travaux pour parachever les deux blocs avec tous les travaux de finissage et de plomberie. Certaines personnes contactées demandent qu'une fois ces travaux terminés, il faut qu'il y ait création de cette école d'excellence qui sera nécessaire pour le développement de la province. Cela est confirmé par le directeur provincial de l'enseignement qui indique que la nécessité est de mise, expliquant que les élèves de 9e année qui reçoivent de meilleurs résultats au concours national, des fois sont transférés dans des écoles qui sont à l'extérieur de la province. Et s'il y avait cette école, ces élèves continueraient leurs études dans la province. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Sanganiro. Merci Blaise. Les éducateurs doivent collaborer avec les parents pour mieux enseigner les enfants l'importance de pratiquer l'hygiène tant à la maison qu'à l'école. Le directeur de l'Ecofo, Rumonge 2, indique qu'il s'agit d'un travail en synergie car il existe des enfants qui n'ont pas pour habitude de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais certains d'entre eux parviennent à changer de comportement grâce à des connaissances apprises à l'école qu'ils partagent d'ailleurs avec les autres. Francine Diokougayo est de retour. bamuhira nkarabye hama saa sita nkongera nkakaraba no kumugoroba ukaraba avuye mu kazi ka sugumi kwikingira indwara. Nous sommes à l'école fondamentale Lumongue 2. Les élèves racontent leurs pratiques quotidiennes pour observer les mesures d'hygiène. Grâce aux enseignements reçus à l'école, ils se rappellent chaque fois de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Je dois me laver les mains avec de l'eau propre et du savon si je sors des toilettes pour me protéger des maladies. Notre enseignant nous a dit qu'il faut toujours se laver avec de l'eau et du savon à chaque fois qu'on va à la toilette, après la récréation, parce qu'on a de la sueur. Arrivé à la maison, on doit se laver avant de manger et même après le repas, on doit être propre. Je me lave les mains et puis je mange. Avant de revenir à l'école, je me lave également, même chose quand j'arrive à l'école. Et on va en classe après pour suivre les cours. Quand je reviens des toilettes, je dois me laver également les mains pour lutter contre les maladies. Les autres enfants le font et se lavent avec du savon. Nous appelons d'autres qui n'ont pas encore compris de changer de comportement. Il y a un petit seau là-bas. Pendant la pause, les élèves vont se laver les mains. Il y a même du savon. Quand on va à la toilette ou si on veut manger quelque chose, on se lave les mains. Moi, je le fais. Et je sensibilise les autres à le faire, car c'est l'hygiène proprement dite, parce qu'on doit garder les mains propres. C'est vrai qu'il y a des élèves compliqués, mais ils doivent le faire sans discuter. Bien que le centre urbain de Lumongue connaisse un manque criant d'eau potable, le directeur de l'Ecofo Lumongue 2 rassure qu'ils doivent s'organiser à ce que l'eau soit permanente pour l'hygiène des enfants. La plupart des élèves se lavent les mains. Dès qu'ils arrivent ici, ils se lavent les mains. Même si ce n'est pas tout le monde qui se lave les mains, mais la plupart d'entre eux se lavent les mains. Pendant la pause, bien après la pause, et avant même de prendre le départ, ils se lavent aussi les mains. Bon, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui résistent à cet ordre, il y en a qui se conforment, il y en a qui ne se conforment pas. Faustin Mitonga dit également associer les éducateurs de façon active pour veiller à ce que les élèves observent les mesures d'hygiène. Lors des rencontres avec les parents, le même message est toujours donné pour un meilleur partage d'informations. Merci Francine. Parlons environnement pour boucler cette édition. La population de la province Wururi est appelée à couper court avec le phénomène de feux de brousse, car cette province est parmi trois premières provinces touchées par ces feux où plus de 1600 hectares ont été endommagés. Cette population est appelée également à dénoncer les éleveurs qui laissent leur bétail brouter les jeunes repousses dans les localités brûlées cette année pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Cet appel leur a été lancé ce samedi par le premier vice-président du Sénat après les travaux communautaires qui se déroulaient sur la colline Mutsinda en commune Tsonga de cette province. Zeno Nzambimana. Les provinces Bururi, Ruyigi et Mwaro sont les trois premières provinces qui ont été touchées par les feux de brousse cette saison sèche écoulée par rapport aux autres provinces. Cela a été dit ce samedi par le premier vice-président du Sénat burundais dans son discours juste après les travaux de sanclage d'emboisement d'eucalyptus sur la colline Mutsinda en commune Tsonga de la province de Bururi. Denis Ndadaye déplore qu'il y s'observe toujours des malfaiteurs auteurs des feux de brousse qui ne font que détruire la biodiversité au lieu de les protéger. Il appelle la population de la province de Bururi a coupé court avec ce phénomène de feux de brousse et a tracé les courbes de niveau pour que les terres cultivables restent fertiles. Denise Ndadaye appelle également la population de Bururi à dénoncer les éleveurs qui laissent leurs troupeaux brouter dans les jeunes repousses des localités brûlées pendant la saison sèche écoulée. Elle conseille aux éleveurs de cultiver les cultures fourragères pour nourrir les animaux domestiques. C'est au moment où plus de 1600 hectares ont été dévastés par les feux de brousse dans toute la province de Bururi. La saison sèche écoulée et la commune Vianda vient en tête avec plus de 500 hectares emportés par ce feu de brousse selon les informations en provenance de l'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Depuis Mutsinda, en commune de Tsonga, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Et c'est par ici même que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui l'avez écouté avec intérêt. Dore Bingabile, j'étais à la présentation. Eric Ouimana assurait la mise en onde. Bonne soirée. Gardez l'écoute. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. La RN10 est sur le point d'être coupée si rien n'est fait le plus tôt possible, alerte l'agence burundaise de presse. Il s'agit précisément de la route Rugombo-Kayanza au niveau du centre Rusesika, colline Rumvia, à 6 km du chef-lieu de la commune Mabayi. Selon la BP, la buse où devrait passer l'eau d'un ruisseau de la place et celle des écoulements s'est effondrée et l'eau s'est creusée un autre passage en perforant la route. Il ne reste qu'un petit passage pour de petits véhicules qui doivent rouler lentement, ce qui fait craindre à la population de Mabayi la coupure totale de cette route nationale. Une fois la route fermée, prévient son confrère, les habitants de Mabayi seront obligés de contourner pour passer par la commune Wukinanyana en vue d'arriver au chef-lieu de la province pour joindre aussi d'autres communes ou pour se rendre dans la capitale économique Bujumbura. Cette route, au départ goudronnée, rappelle la BP, il y a plus de 15 ans, est devenue plus impraticable pour véhicules depuis le chef-lieu communal Mabayi à la colline Nyagaseke jusqu'à Muhungu. L'administrateur communal de Mabayi, Jeanne Izomorera, a confié à la BP que la commune est incapable en termes de moyens de réparer cette route nationale. Elle indique avoir déjà fait recours auprès de l'agence routière burundaise ARB. Avec la tombée de la pluie, elle a renouvelé sa plaidoirie auprès du cabinet du gouverneur et de l'ARB pour réhabiliter cette route nationale. Des élèves internes continuent de serrer la ceinture, rapporte le journal Iwachu, qui propose un reportage à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Au Burundi, écrit son confrère, malgré la décision du gouvernement de revoir à la hausse les subsides pour les lycées à régime d'internat, dans certaines écoles, les élèves ne mangent pas à leur faim, ce qui ne favorise pas la réussite. L'hebdomadaire Iwachu note que les directeurs de l'école technique secondaire de Kamenge étaient, qui compte 2450 élèves internes, et du lycée Moussema à Kayanza, demandent que les subsides soient encore revus à la hausse en tenant compte des prix du marché ou que le gouvernement se charge de ravitailler les écoles à régime d'internat, comme on le fait pour les militaires et les policiers. Revue de la presse. Le deuxième lot de semences de maïs hybride, dénommé PAN 53 et pesant 400 tonnes, a été réceptionné au port de Bujumbura dimanche 13 octobre 2024, rapporte Burundi Echo, précisant que ces semences s'ajoutent aux 400 tonnes précédemment réceptionnées en provenance de la Zambie, portant le total à 800 tonnes commandées. Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis en garde les responsables agricoles au niveau provincial, communal et collinaire contre toute implication dans la distribution illégale de ces semences. Il a souligné, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, que toute personne attrapée en flagrant délit de fraude de ces semences sera sévèrement sanctionnée. En effet, le ministre a récemment précisé que le prix de ces semences est fixé à 4200 francs burundais le kilo, au moment où la même variété se vend à 25 000 francs burundais le kilo sur le marché et qu'un prix si bas pour ressusciter des tentatives de fraude. La santé à Chibitoke, les proches d'abord, la santé ensuite, titre Net Press. Tel est le résumé des grognes des personnels soignants des centres de santé des communes de Buganda et de Rugombo dans la province de Chibitoke. Le patron du district sanitaire de Chibitoke met en avant le favoritisme et donne des avantages à ses proches sans tenir compte des compétences, écrit ce journal. D'après son confrère, il semble que même au cours des réunions de formation visant le renforcement des capacités, les participants sont choisis parmi ses proches à qui il impose de partager les frais de participation. Le médecin provincial de cette province indique qu'il a déjà entendu de telles jérémiades et qu'une enquête est en cours pour avoir plus de lumière sur cette pratique, souligne ce journal en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.